Chapitre 23e. Fruits et fleurs du Maryland et de la Virginie. Serpents tête de cuivre. Insectes. Élections. L'été que nous eûmes dans le Maryland en 1830 fut délicieux. Le thermomètre monta à 94 degrés. Mais la chaleur n'était pas aussi accablante que celle que nous avions éprouvée dans l'Ouest. Dans aucune partie de l'Amérique septentrionale, les productions du sol ne sont plus variées ni plus belles. Des fraises du goût le plus exquis naissaient sous nos pieds, et quand elles furent passées, chaque bosquet, chaque sentier, chaque champ semblait un verger de cerisiers, offrant une profusion inépuisable de fruits à quiconque voulait se donner la peine d'en cueillir. Vinrent ensuite les pêches. Des pêchers s'élevaient dans toutes les haies. Leurs fruits n'étaient ni aussi gros ni aussi parfumés que ceux qui mûrissent sur nos espaliers. Cependant, ils nous rafraîchissaient admirablement après nos longues promenades. Mais c'était surtout les fleurs et les arbustes à fleurs qui rendaient cette contrée la plus belle que j'eusse vue, en exceptant toujours l'Alleghany. Nulle description ne peut donner une idée de leur variété, de leur profusion et de leur beauté. Si je parle de roses sauvages, le lecteur anglais s'imaginera que je veux désigner ces fleurs pâles et éphémères qu'on voit sur nos haies de ronces. Mais les roses sauvages de Virginie pourraient être les fleurs favorites d'un parterre. Il est rare qu'elles soient très doubles, mais elles ont un éclat remarquable. Elles offrent toutes les nuances, depuis le cramoisi le plus foncé jusqu'au rose le plus délicat. L'odeur en est riche et délicieuse. Elles sont plus grandes qu'aucune rose simple que j'ai jamais vue, ayant souvent plus de 4 pouces de diamètre. La feuille ressemble beaucoup à celle du rosier du Bengale. Elle est grande, ferme, brillante et d'un vert foncé. L'églantier à feuilles odorantes se trouve partout et fleurit avec profusion. Les feuilles et les fleurs en sont beaucoup plus grandes que dans notre pays. L'acacia, ou, comme on l'appelle en Virginie, le locust, produit une grande quantité de riches fleurs. J'en ai cueilli une branche qui n'avait pas un pied de longueur, et j'y comptais 12 gros bouquets de fleurs. L'odeur en égale celle de la fleur d'orange. Le cornouiller, avec ses belles fleurs blanches, est un autre ornement des bois. Ses branches latérales sont plates comme un éventail et sont entièrement couvertes de fleurs en forme d'étoiles, aussi grandes que celles du Cistus ladaniferus. Un autre joli arbuste de plus petite taille est l'aune à poison. Il est heureux que sa qualité malfaisante soit généralement connue, car il tente les yeux par ses charmants bouquets de fleurs blanches formant une sorte de frange, et il est si vénéneux qu'il suffit d'y toucher pour qu'il en résulte une forte enflure. L'arbre de Judée peuple tous les bois, et sa fleur rose, brillante et délicate, est en Amérique l'annonce du printemps. Des azaléas blancs, jaunes et roses, des calmias de toute espèce, le magnolia trop parfumé et le majestueux rhododendron croissent naturellement en grande abondance. La plante connue en Angleterre sous le nom de Virginian Creeper monte souvent jusqu'en haut des plus grands arbres des forêts et porte une fleur écarlate en forme de trompette. Le sassafras est un bel arbuste et je ne conçois pas pourquoi il n'a pas été naturalisé en Angleterre, car il paraît extrêmement robuste. Les feuilles poussent en touffes et chaque touffe contient des feuilles de 5 à 6 formes différentes. Le fruit en est singulièrement beau. Il ressemble à un petit gland et est d'un noir de jais, le calice et le pédoncule ayant l'air d'être de corail rouge. La vigne, gracieuse et fantasque, attire aussi les regards, et ses festons errants ne ressemblent pas plus à nos vignes bien taillées que nos pygmées d'azaléa et de magnolia aux géants de leur famille en Amérique. Un autre charme embellit en Amérique les promenades d'été. Dans les beaux jours des mois d'été, vous marchez au travers d'une atmosphère de papillons dont les couleurs sont si brillantes et les formes si variées que j'ai souvent pensé qu'ils avaient l'air de fleurs ailées. Quelques-uns sont très grands, ayant 3 ou 4 pouces d'envergure, mais la plupart, et je crois les plus beaux, sont plus petits que les nôtres. Quelques-uns ont les ailes couleur de lavande et le corps noir, d'autres sont fauves et couleur de rose, et l'on en voit qui sont orange et d'un bleu brillant. Mais quelque jolis qu'ils soient, c'est leur nombre, encore plus que leur beauté, qui enchante les yeux. Rien n'est plus charmant que de les voir, revêtus de leurs couleurs variées, voltiger légèrement dans l'air sans faire le moindre bruit, et se croiser les uns les autres dans leur vol. L'oiseau-mouche est une autre parure de l'été, mais le nombre n'en est pas assez grand, et ils ne se soutiennent pas assez longtemps sur leurs ailes pour former un trait aussi saillant dans les beautés transatlantiques que les papillons ornés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La mouche lampyre fut pour nous une nouveauté encore plus brillante. Elles sont en grand nombre dans les endroits humides et avant un orage, et dans la soirée sombre d'un jour brûlant, quand la chaleur rendait toute occupation impossible, j'ai souvent trouvé un passe-temps agréable à suivre des yeux la lumière dont elles brillent, tantôt ici, tantôt là, se montrant un instant, disparaissant l'autre, passant avec la rapidité de l'éclair et semblant une nuée d'étoiles tombant du ciel et chassée par la brise du soir. Dans une de nos excursions, nous rencontrâmes un serpent, dit tête de cuivre, et nous le tuâmes. Tandis que nous examinions notre ennemi vaincu et que nous doutions si c'était véritablement le redoutable reptile dont nous avions tant de fois entendu faire la description, un fermier s'approcha de nous. Et dès qu'il eut jeté les yeux sur notre victime, il s'écria « Sur ma foi, une tête de cuivre. C'est fort bien fait, car ce sont des créatures infernales. » Il nous dit qu'il avait vu une fois un serpent de cette espèce enfermé dans une cage et qu'on agaçait avec un bâton, se mordre lui-même, faute d'autres victimes, et mourir de cette morsure. Nous avons souvent entendu de terribles récits du nombre de ces reptiles venimeux qui se trouvent sur les rochers, près de la grande cataracte du Potomac. Mais la terreur inspirée par toutes ces histoires ne put nous empêcher d'aller revoir plusieurs fois cette scène sublime, et heureusement notre témérité ne fut pas punie, car nous n'en vîmes jamais un seul. Je vis fréquemment de grands lézards, offrant la hideuse miniature du crocodile. Il sortait des crevasses des rochers, quelquefois de dessous la pierre sur laquelle nous étions assis, et ils y rentraient aussitôt pour se cacher. Mais on nous assura qu'ils n'étaient nullement nuisibles. La vie animale est si multipliée en Amérique, et elle y prend des formes si variées et si nouvelles pour les yeux d'un Européen, qu'il est absolument nécessaire de secouer toutes les petites craintes que peuvent inspirer les tribus qui rampent, qui sautent ou qui bourdonnent, avant de se décider d'y faire une promenade pendant l'été. Je regarde comme impossible qu'aucune description donne une idée des sons qui assaillent les oreilles depuis le commencement du court crépuscule jusqu'au moment où le soleil levant envoie les êtres qui les produisent prendre du repos. Partout où vous êtes, excepté dans les grandes villes, vous ne pouvez vous dérober aux sons odieux du coassement de la grenouille dite mugissante, son rauque et perçant qui partent en même temps de mille gosiers. La grenouille d'arbre ajoute à ce concert sa voix aiguë et presque humaine. Le katydide répète pendant toute la nuit le nom qu'on lui a donné. Toute la tribu des sauterelles crie, bourdonne, gazouille, siffle, sans laisser un moment de repos à l'oreille fatiguée. Et quand le mosquite y joint son bourdonnement menaçant, il n'est point de degré de lassitude qui puisse procurer le soulagement du sommeil, et dans le fait, ce n'est qu'en cessant d'écouter qu'on peut avoir le bonheur de s'endormir. J'ai passé littéralement plusieurs nuits dans une agitation fiévreuse pendant mon premier été en Amérique, écoutant ce mélange étourdissant de sons divers, et ce ne fut que lorsqu'ils me furent devenus trop familiers pour exciter mon attention qu'il me fut possible de trouver du repos. Je ne sais par quel enchaînement bizarre d'idées la récapitulation des sons variés produits par tous ces insectes me rappelle un bruit non moins discordant et beaucoup plus important. Même dans la retraite où nous passâmes cet été, nous ne fûmes pas à l'abri de cette fièvre d'élection, qui est une maladie endémique en ce pays. Quand l'Amérique aurait tous les attraits que peuvent offrir la nature et les jouissances sociales, cette manie me la ferait fuir avec dégoût. C'est le sujet exclusif de toutes les conversations. Il aigrit tous les caractères, il substitue l'esprit de parti à l'estime personnelle et il pervertit tout le système de la société. Quand un candidat se présente pour quelque place, ses partisans le louent de toutes les vertus et de tous les talents. Ils sont prêts à arracher les yeux à quiconque résiste à ses prétentions et dans les états chauds et ardents du sud-ouest, ils en viennent quelquefois littéralement à cette extrémité. Mais dès qu'il a réussi, ses vertus et ses talents s'évanouissent, et à l'exception de ceux qui ont obtenu de lui quelques places, chaque Jonathan prend de nouveau le grand galop pour lui choisir un successeur. Quand j'arrivais en Amérique, M. John Quincy Adams était président, et il était impossible de douter, même d'après le témoignage de ses ennemis, qu'il n'eût toutes les qualités nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions. Tout ce que j'entendis jamais alléguer contre lui, c'est qu'il était trop gentleman. Mais il fallait appuyer un nouveau candidat, et M. Adams perdit les suffrages, sans que j'en puisse apprendre d'autres raisons que celle-ci, il valait mieux changer. Vive Jackson fut donc le cri poussé par la majorité des bouches jusqu'au moment où il fut élu, mais dès qu'il fut en place, le même cercle d'opération recommença, et Vive Clay devint le cri de guerre. Je faisais une visite un matin quand quelques messieurs à cheval arrivèrent dans la maison où j'étais. Celui qui semblait le chef des autres ne nous laissa pas longtemps en suspens sur l'affaire qui les amenait. Car il dit presque en entrant « Monsieur P., je viens vous demander votre voix. »« Pour qui êtes-vous, monsieur ?»« Pour Clay. Vive à jamais, Clay. » La voix lui fut promise. C'était un candidat pour la représentation de l'État dont les membres sont appelés à voter pour l'élection du président. Je lui fus présenté comme anglaise et il me dit « Eh bien, madame, vous voyez comme nous agissons franchement et ouvertement en pareille affaire. Il n'en est pas tout à fait de même chez vous, je crois. » Après son départ, on parla de son histoire et de sa situation dans le monde. « Monsieur M. est un homme très respectable et fort bien établi, » dit mon hôte. Et l'on ne peut douter qu'il ne soit élu si c'est un franc Clayman, partisan de Clay. Je demandai quel était son état. La maîtresse de la maison me dit que son père avait été commerçant, et que lorsque ce futur législateur était encore jeune, il l'avait envoyé dans quelque port de la Méditerranée comme son suprécargue. Le jeune homme, bouillant et plein d'ardeur, s'appropria le produit de la cargaison, fit le commerce pour son propre compte avec beaucoup de succès, au moyen des fonds qu'il s'était ainsi procurés, et revint au bout de 12 ans, riche et considéré dans le monde. Je témoignai quelques désapprobations de cette conduite, mais on m'assura que tout le monde regardait M. M. comme un homme très honorable. Si je rapportais la 10e partie des actions peu délicates que des Américains m'ont racontées de leurs compatriotes et de leurs amis, je suis sûr qu'aucun lecteur anglais ne croirait à ma véracité. Il serait donc peu sage de les répéter, mais je ne puis m'empêcher d'exprimer l'opinion que je dois à 4 ans d'observations attentives que le sentiment moral est, sous tous les rapports, plus émoussé en Amérique que chez nous. Persuader un Américain que son voisin est un homme méprisable, et j'ose dire que si son intérêt personnel ne s'y oppose pas, il cessera de le voir. Mais qu'est-ce qui constitue un homme méprisable ? C'est sur quoi l'on diffère essentiellement des deux côtés de l'Atlantique. Si Cervantes immola par ses sarcasmes la chevalerie espagnole, il n'en a pas été de même de cette partie la plus noble de la chevalerie que Burke a si bien décrite comme étant la grâce inachetée de la vie, la défense peu coûteuse des nations, cette chasteté d'honneur pour laquelle une tache est une blessure, qui ennoblit tout ce qu'elle touche et qui fait perdre au vice la moitié de sa laideur en lui ôtant sa grossièreté. Cet esprit épuré de la chevalerie anime encore les nobles cœurs dans toutes les contrées de l'Europe, et ils ne se conservent pas moins religieusement que lorsque le sabre et le bouclier étaient employés pour le propager. Peut-être ne faut-il pas chercher cette grâce inachetée de la vie dans les lieux où la chevalerie n'a jamais existé. Je ne regrette certainement pas le temps des chevaliers errants, et je ne désire pas échanger la protection des lois contre celle du champion le plus redoutable qui ait jamais mis sa lance en arrêt. Mais je crois réellement que ce sentiment exquis et chevaleresque de l'honneur est le meilleur antidote contre ces 1000 incidents de la vie journalière qui dégradent l'âme, et que c'est en grande partie parce qu'elle en est entièrement dépourvue que cette race d'hommes libres fait si peu de cas de la vertu vulgaire qu'un homme probité.